Ce disque contient les bruits ventilatoires normaux et les principaux bruits ventilatoires pathologiques entendus à l'auscultation du thorax et de la trachée. En même temps que vous écoutez ce disque, il vous est conseillé de regarder le phonopneumogramme correspondant. L'enregistrement commence par une inspiration, parfois précédée de la fin de l'expiration.